je suis lent. Et ce sommet qui ne vient pas paralyser dans mon lit. J'écoute le moindre bruit. Je suis moque dans ma vie. Une terreur m'a envahi. J'entends s'il m'envoyait des putains de bruit de clé. J'ai déjà remarqué que j'étais surveillé. Mais moi de pas en observer. Mes petits gestes analysés. Et une fois examinés, ils finiront par me tuer. Je ne vais pas y rester. Ça s'agite dans la rue. Ouais, ça y est, je suis foutu. Entendez-moi à ma porte. Il sort de moi une cohorte. Heureusement, je suis armé. Je flippe à entraîner. Dans ma tête se bourdonnant. C'est une dame de salaud. On va vraiment à ma peau. Mais moi, je veux pas crever. Je tirerai le premier. Fondu, un vrai surpris. Dans plein de mal, je suis sorti. J'ai fait un vrai carnage. Je marcherai en première page. J'ai fait un vrai carnage. Je marcherai en première page. J'ai fait un vrai carnage. Je marcherai en première page.